J'ai toujours eu cette idée dans un coin de ma tête de m'installer en agriculture un jour. Mais c'est tellement intimidant de s'installer seule, en n'étant pas issue du monde agricole, avec l'astreinte, les emprunts à la banque et puis la pression de s'intégrer, surtout quand tu viens pas du métier. Je t'avoue que moi c'est pareil, mais tu sais, l'exploitation individuelle, c'est pas la seule et l'unique manière de s'installer. J'ai vu plusieurs reportages sur des fermes collectives et ça a l'air vraiment génial. Ils se répartissent la charge de travail, parfois les investissements, les risques et les bénéfices de l'exploitation. Et franchement, c'est un modèle qui me fait envie. Ah ouais ? Ah, ça m'intrigue ! Mais ça marche comment au juste, les fermes en collectif ? Et puis, c'est pas un peu compliqué de s'installer à plusieurs ? AgroJ'écoute, ça commence maintenant ! AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AgroJ'écoute. Nous sommes trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan, en cinquième année et spécialisées en agroécologie. Je suis avec Marie-Ange. Bonjour. Et Louise. Bonjour. Et moi c'est Charlotte. Et donc aujourd'hui on parle d'installation collective en agriculture. On a également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Fanny Guyot, agricultrice sur la ferme collective des Croquants en Ariège, qui pourra apporter son témoignage sur le sujet qu'on va aborder. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Charlotte, on va parler des installations collectives en agriculture pour essayer de mieux comprendre ce qu'elles peuvent apporter face aux enjeux de notre système agricole actuel. Alors, quand on parle d'installations collectives, en fait, ça peut englober de nombreuses formes d'exploitation agricole. Et dans ce podcast, on va s'intéresser tout particulièrement aux collectifs qui sont composés d'au moins trois agriculteurs ou agricultrices qui partagent leurs ressources et qui combinent différents ateliers de production autour d'objectifs et de valeurs communes, mais qui ne font pas forcément partie de la même famille. Mais attention, ces installations collectives hors cadre familial, c'est encore assez peu répandu en France, en tout cas dans le modèle traditionnel. Pour autant, les tendances semblent changer. Selon l'AGREST, donc l'Institut des statistiques agricoles, on a vu une augmentation d'installations hors cadre familial entre 2011 et 2020 de 23 à 39%. En plus de ça, selon AGREST, toujours, on a vu une diminution des exploitations individuelles de 10% entre 2011 et 2020. Ensuite, d'un point de vue géographique, on observe une proportion d'installations collectives plus grande dans certaines régions. C'est le cas notamment en Bretagne, donc qui est une région à forte densité d'élevage et qui nécessite donc des astreintes. En plus de ça, c'est une région à, de manière générale, forte densité agricole et avec une forte tradition coopérative. Et donc ces points-là en fait, justifient un grand nombre de collectifs agricoles. À côté de ça, on a aussi l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des territoires qui sont montagneux, vallonnés et historiquement plus extensifs, puisqu'ils sont moins mécanisables. On a une grande diversité de production sur ces territoires, dont l'élevage, qui, comme en Bretagne, nécessite beaucoup d'astreintes. On a également une forte proportion de néo-ruraux, donc de nouveaux agriculteurs qui n'appartenaient pas à ce monde-là, ou de nouvelles personnes qui viennent dans des territoires ruraux, qui apportent également de nouvelles visions de la production dans les campagnes. Donc tout ce contexte, il explique finalement l'émergence de réseaux de lutte contre l'agriculture intensive et l'émergence aussi d'une agriculture alternative dans ces milieux dont les collectifs font partie. Donc pour vous donner un exemple, on va vous passer un extrait d'une ferme collective très médiatisée, donc la Tournerie en Nouvelle-Aquitaine. C'est un reportage donc de Brut qui a été publié en 2020. Souvent c'était en fin de soirée, on se disait ouais peut-être qu'on pourrait faire une ferme tous ensemble, en plus on s'entend bien, on aime bien faire la fête ensemble. Donc on est une ferme un peu particulière parce qu'on est 11 paysans à travailler et à vivre ici. Donc on produit du pain, de la bière, du fromage de chèvre, du fromage de vache, de la viande de porc et des légumes. Il y a également un atelier d'architecture et on travaille en agriculture paysanne. Vous venez d'écouter un témoignage de la ferme de la Tournerie et vous êtes toujours sur AgroJ'écoute. On a pu entendre dans l'extrait que les membres du collectif se disent paysans et c'est une vision du métier que l'on retrouve souvent dans les collectifs. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une agriculture paysanne ? L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui vise à valoriser les circuits courts, l'alimentation locale ou encore les savoir-faire traditionnels. Et on a également vu l'émergence dans les collectifs d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc une ferme dans laquelle les différents ateliers vont permettre une meilleure autonomie des exploitations. On va avoir l'utilisation de coproduits de l'élevage pour enrichir les terres. Et dans d'un autre côté, on va voir les cultures végétales qui vont nourrir les bêtes. Donc on est sur une logique de bouclage des cycles. Donc finalement, les collectifs en agriculture, ils vont permettre une importance de l'agriculture biologique, de pratiques alternatives comme l'agroécologie ou encore de recherche d'autonomie des agriculteurs vis-à-vis du système agroalimentaire actuel. Dans ces collectifs, la vision du métier de paysan, elle traduit donc une volonté d'avoir une viabilité qui est non seulement économique, mais aussi sociale et environnementale. Mais concrètement, on s'est demandé quelles sont les réelles motivations de celles et ceux qui s'installent en collectif. Et pour cela, on va écouter un premier témoignage de la ferme de Gone Girls, issu d'un reportage France 3 de 2023. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où je rêvais que la serre s'envolait avec toutes les tomates avec. Ça dénote d'un petit stress peut-être, mais en tout cas, voilà. La plupart du temps, on est tous les cinq, on arrive à communiquer tout ça, et c'est très rassurant d'être avec les autres et de pouvoir partager un peu cette charge. On a aussi l'exemple de la ferme du Champ du Puy, interrogée dans l'émission Silence ça pousse en novembre 2025. On partage la charge financière, physique et psychologique. Donc si c'est une année compliquée comme l'année dernière, moi je sais que d'avoir les autres qui sont là pour nous soutenir, venir nous aider, c'est un gros plus. Et pareil, au moment des récoltes, des transhumances, je sais que les collègues peuvent venir quand il y a besoin et on a plus de paires de bras, quoi. On est toujours sur Campus FM dans l'émission Agro J'écoute et on vient d'écouter deux extraits d'émissions sur la ferme du Champ du Puy et la ferme de Gone Girls. Finalement, à travers ces reportages, on se rend compte que l'installation en collectif, elle peut répondre à beaucoup d'enjeux. Déjà la solitude que rencontrent de nombreux agriculteurs, elle permet de partager la charge de travail, aussi bien que la charge mentale ou le stress lié aux différentes activités. Donc Fanny, tu es installée en collectif sur la ferme des Croquants et n'hésite pas à me reprendre si je me trompe, mais il me semble que vous avez donc des ateliers de maraîchage, de brasserie, de verger, de poulailler, une boulangerie aussi, et tout ça en agriculture biologique. Et finalement, est-ce que tu partages le constat des agriculteurs qu'on a entendu dans ces extraits ? Sur les motivations à s'installer à plusieurs, c'est ça ? Exactement. Oui, tout à fait, ouais. Je me suis pas mal retrouvée. Dans ces différents extraits, ben en effet c'est un moyen plus, je sais pas si c'est le mot, c'est rassurant ou rassurant et rationnel de s'installer en agricole, de partager un lieu, de partager des investissements qui sont pas forcément nécessaires pour juste une personne ou deux, de mettre en commun la commercialisation et puis aussi en fait de partager ce travail-là avec en effet des pics de travail, des certains travaux qui sont durs voire impossibles à faire tout seul, et donc on peut s'entraider entre avec les différents ateliers, quoi. Est-ce que justement, par exemple, vous avez un système pour les astreintes où vous tournez peut-être sur les ateliers, sur des week-ends, peut-être que vous partagez un temps de travail sur ces ateliers-là pour se remplacer ? Oui, alors nous, on n'a pas énormément d'astreintes parce qu'on a, enfin, le seul élevage qu'on a, on a 200 poules pondeuses et ça reste quand même limité au niveau astreintes, quoi. C'est pas comme quand on a de la traite ou des veulages ou agnelages dans d'autres systèmes. Mais du coup, ça demande quand même une présence quotidienne sur la ferme. Et donc oui, on tourne, on a un week-end sur six, du coup, où on est censé être à la ferme et ramasser les œufs, faire ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses au maraîchage, d'ouvrir, de fermer les serres, de faire des récoltes, vérifier que l'irrigation marche bien, voilà, ce genre d'astreinte-là, quoi. Et justement, est-ce que ça vous permet de vous dégager peut-être des vacances aussi, plus que dans une installation en individuel ou en famille ? Je pense, j'ai pas le comparatif, j'ai pas beaucoup de comparatifs en installation en individuel au final, mais oui, on a pu dès le début se prendre 4 semaines de vacances, et là on est à 5, et on espère passer à 6 l'année prochaine. Et oui, c'est sûr que ça permet ça parce que en fait, après, il faut bien répartir les vacances, mais quand un part en vacances, la ferme continue de tourner, on continue de vendre. On se répartit la charge de travail avec ceux qui restent, quoi. Et c'est sûr que quand on est tout seul, ça implique d'embaucher, ce qui a un coût, et puis c'est pas évident de tout transmettre à un salarié aussi, quoi. Tandis que là, même si on a nos ateliers un peu dont on est responsable, si on anticipe quand même bien nos vacances, on peut partir et les autres sont capables de faire tourner le minimum, quoi. Donc finalement, on a vu qu'il y avait pas mal de motivations à l'installation en collectif et que c'était des motivations intéressantes et vectrices de projets en collectif, à la fois d'un point de vue social, pour se libérer du temps pour les vacances ou pour les week-ends, aussi d'un point de vue économique, pour aussi potentiellement parvenir à s'installer sur des fermes à plus gros capitaux, et finalement des motivations environnementales, parce que les fermes collectives ont plus tendance à développer une agriculture plutôt paysanne, agroécologique ou encore biologique. Mais pour autant, il y a aussi des freins à prendre en compte avant de se lancer dans ce projet, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On vous laisse tout de suite avec un extrait du reportage France 3 sur la ferme de Chantôme en avril 2025. On n'arrête pas de dire dans 10 ans, il y a la moitié des paysans qui vont partir en retraite. Et dans les faits, quand on regarde les fermes à reprendre, il n'y en a pas beaucoup. Les gens préfèrent, je pense, transmettre leurs fermes à des gens qu'ils connaissent déjà. Nous, on n'était pas issus du milieu agricole, à proprement dit, en plus ici. Il fallait en plus convaincre le propriétaire de notre projet. Et ce sont des difficultés qui sont ressenties aussi par la ferme de la Mouvette, interrogée par Combini en avril 2024. L'installation en agriculture, c'est un parcours du combattant, quoi, ou du combattante. Il faut trouver la ferme, il faut trouver les gens qui sont OK pour que tu la transformes potentiellement vers d'autres productions, il faut les ronds pour s'installer. Voilà, donc ça, c'est toute la partie en amont qui peut durer plusieurs années. Et une fois que tu arrives là-dedans, il faut rembourser potentiellement les emprunts que tu as fait. Et donc, ça fait un truc énorme. Avant d'arriver là, on savait que beaucoup de collectifs avaient échoué dans leur tentative, parce que les relations humaines, c'est le facteur qui est le plus compliqué. Donc nous, on a pris ce problème-là à bras le corps dès le début. On se forme, on est accompagné. Donc vous venez d'écouter deux témoignages de la ferme de Chantôme et de la Mouvette, et vous êtes toujours sur Agro J'écoute. Dans ces extraits, on comprend que l'accès au foncier, les investissements financiers ou encore les relations humaines peuvent être des freins à l'installation en collectif. Est-ce que Fanny, c'est aussi le cas dans ton collectif ? Oui, enfin, après, on a eu pas mal de chance quand même sur la recherche de foncier. On a cherché que un an, ce qui est quand même un temps assez court au final. Après, c'est sûr qu'on a visité des fermes où quand on présente le projet, ça parle pas forcément, ça semble compliqué. Nous, dès le début, on voulait pas acheter les terres nous, mais les faire acheter par Terre de Lien. Et donc, quand on mettait ça, quand on proposait ça aux propriétaires, ça leur parlait pas forcément parce que ça impliquait des délais supplémentaires, tout ça. Et au final, on a eu beaucoup de chance en rencontrant la famille qui nous a transmis la ferme où le projet leur a parlé. Ils ont été d'accord de prendre ces délais-là pour Terre de Lien tout en nous permettant de nous installer avant avec un bail, ce qui était hyper sécurisant pour nous. Avant de savoir si Terre de Lien acceptait d'acheter les terres ou pas. Donc ouais, on a eu quand même un bon coup de chance pour s'installer aussi vite et avoir accès à ce foncier-là malgré le projet un peu atypique, quoi. Mais ça peut freiner un peu peut-être au début. Après, ça permet aussi de reprendre des fermes qui sont assez grandes et qui finalement on reprendrait pas tout seul. Et donc en se mettant à plusieurs, en fait, il y a beaucoup de fermes maintenant qui se transmettent qui sont très grosses. Et qui implique du coup notamment ça coûte cher de les reprendre aussi, mais voilà, beaucoup de terres, tout ça, et à plusieurs, ça devient intéressant de reprendre ces fermes-là, quoi. Ok, et en ce moment, enfin, sans parler de l'installation, est-ce qu'aujourd'hui, sur ta ferme, est-ce qu'il y a des problèmes de conflit, par exemple, ou des problèmes liés aux décisions? Comment est-ce que ça se passe et comment c'est géré aussi? L'humain, c'est sûr que c'est un boulot, c'est un atelier à temps plein, quoi, sur la ferme collective. Et après, nous, dès le début, on se rendait bien compte que c'était un gros sujet et on voulait y mettre du temps et de l'énergie. Donc, ça implique aussi d'avoir des temps dédiés à s'organiser ensemble. Enfin, on a une réunion de 1 heure ou 2 tous les lundis matins. Des réunions plus longues mensuellement pour parler un peu des gros sujets de fond, parler d'éventuels problèmes. Après, dès le début, on a aussi, on est suivi par une médiatrice qu'on voit 3 fois par an, 3 journées par an, et qui permet de traiter des sujets un peu plus gros, un peu plus lourds, et quand il y a des conflits aussi, de les prendre dès le début, quoi, de pas attendre que ça ça gangrène trop. Et bah, pour le moment, du coup, ça porte bien ses fruits, quoi. Mais en tout cas, on changerait pas ça. On n'a pas envie d'arrêter du tout la médiation. Et on pense que c'est vraiment chouette de prendre ça dès le début, quoi, après le corps. Hors des problématiques humaines, on se posait des questions d'un point de vue économique. Donc, le fait d'être en collectif vous permet d'avoir plusieurs ateliers de production. Et comment est-ce que vous répartissez la valeur ajoutée créée par l'entreprise? Et est-ce que cette valeur ajoutée vous permet de vivre convenablement aujourd'hui? Nous, du coup, on est installés en GAEC. Donc, c'est une société agricole qui englobe toutes les activités. Donc, tout va dans le même pot et on a tous la même rémunération, quel que soit l'atelier qu'on fait. Après, nous, on s'est calé des horaires. Donc, en fait, on travaille tous la même quantité de travail, enfin, en temps. Et après, on sait qu'il y a des ateliers qui rapportent plus ou moins que d'autres. Mais en fait, on voit un peu ça comme un tout, quoi. Parce que ceux qui rapportent plus aujourd'hui sont peut-être ceux qui ont coûté le plus cher à investir. Et donc, c'est grâce aussi aux autres qui ont coûté moins cher. Et puis, on commercialise tout ensemble. Donc, c'est dur de savoir si c'est pas le fait d'avoir d'autres produits qui permet aussi de bien valoriser un autre. Enfin, donc voilà. Pour le moment, en tout cas, ça nous va très bien comme ça. Et c'était plutôt le projet, quoi, de que ce soit tout commun sur la rémunération, le bénéfice qu'on fait à la fin de l'année. Et du coup, au niveau rémunération, pour le moment, on n'arrive pas encore à retirer le SMIC requis dans les GAEC. Tous les ans, pour 6 personnes, ça fait beaucoup. Là, on est en deuxième année de production, donc c'est quand même le début. Mais en tout cas, on s'en sort bien. Ouais. On n'a aucun problème à payer toutes nos charges, enfin aucun problème de trésorerie. Et on a chacun une rémunération un peu par mois. Et qui est complété par du chômage qui finit là et un peu de RSA qui peut compléter le temps qu'on arrive au SMIC. On a parlé beaucoup de freins qui sont à l'intérieur de l'exploitation finalement, mais on n'a pas beaucoup parlé des freins qui pourraient être extérieurs, c'est-à-dire l'accueil dans le territoire, comment vous avez été perçu par les voisins. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu poser problème ou plutôt vecteur en fait, finalement de votre installation dans de bonnes conditions? Non, ça s'est plutôt bien passé là où on s'est installé, nous. Et ouais, on a eu des bonnes relations avec les voisins. On est sur un territoire où il y a aussi... il y a un bon mélange. Il y a beaucoup de... Il y a aussi d'autres installés néo-ruraux, assez jeunes. Enfin, voilà, où on se ressemble sur pas mal de choses et où il peut y avoir de l'entraide. Mais on a aussi... des voisins qui sont du coin, qui peuvent être plus âgés, installés en conventionnel, et on a aussi des échanges avec eux autour du métier, quoi. Et non, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Ok, donc finalement, d'un point de vue des freins, on retient surtout les freins humains et les freins liés au foncier. Et donc, pour reprendre ces freins-là, on peut lever ces freins en accompagnant les structures collectives. Donc on a par exemple Terre de Liens que vous avez nommé tout à l'heure qui permet de faciliter l'accès au foncier, ou encore l'ATAG, l'association tarnaise pour l'agriculture de groupe, qui propose des formations pour améliorer l'organisation, la communication, la prévention ou encore la gestion des risques. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps peut-être rentrer un peu plus dans le détail de comment Terre de Liens vous a accompagné pour vous installer sur votre ferme? Ouais. Terre de Liens, c'est plein de structures différentes, mais en gros, globalement, il y a une association, on va dire, qui travaille sur le foncier, qui fait plus sur un plaidoyer, des animations au niveau territorial pour parler du foncier agricole. Et il y a une foncière et une fondation, mais on va dire une foncière qui... en gros, achète des terres agricoles avec de l'argent citoyen, de l'épargne citoyenne. Et ces terres-là, après, sont mises à disposition d'agriculteurs sous forme d'une location, d'un bail agricole. Et elles ont la particularité de devoir être cultivées en agriculture bio. C'est un des critères. Et après, c'est des terres en fait qui pourront jamais être revendues avec le montage de la foncière, donc elles resteront toujours à vocation agricole et elles sortent du marché foncier et de la spéculation éventuelle sur les terres. Et donc, ouais, c'est un système nous, qui nous parlait parce qu'on... Bah, en fait, ça enlève, quand on s'installe, ça enlève un frein de acheter des terres, ça y a un gros budget. Enfin, nous, sur notre terre, c'était, sur notre ferme, c'était à peu près 200 000 euros. Donc, c'est ça en moins à devoir emprunter ou trouver l'argent. Et après, ça nous parlait pas mal aussi dans le, sur le côté collectif pour pas, avoir des sociétés avec un capital énorme et à chaque fois que quelqu'un part ou rentre, en fait, ça implique d'avoir des gros mouvements de capitaux, de devoir apporter beaucoup pour ceux qui rentrent. Et en fait, dans le cadre de fermes qui sont pas familiales, qu'on transmet pas à son enfant à la fin de sa carrière, ça a vraiment un intérêt. En fait, l'outil de travail, il nous appartient très peu et juste on l'entretient au mieux et on le transmet aux suivants qui viendront. Après, moi, ça me parle de manière générale dans la société. Ce serait chouette si les terres agricoles avaient cette vocation beaucoup plus plutôt que, ouais, que qu'être vendues et revendues et à chaque fois on emprunte aux banques. Mais en tout cas, dans un cadre collectif, je trouve ça encore plus intéressant, quoi. Et du coup, à propos justement de cette transmission et des installations, notamment en collectif, on se demandait aussi comment est-ce qu'on fait pour bien choisir avec qui s'installer. Et bah, du coup, si je ne me trompe pas, vous êtes installé entre copains. Et est-ce que, selon toi, il vaut mieux s'installer justement avec des amis, des personnes qu'on connaît bien? Ou alors, au contraire, est-ce que ça peut être aussi une bonne idée de s'installer avec des inconnus qui deviendront des collègues de travail? Ouais, moi, je pense que tout est bien. Enfin, oui, nous, en effet, c'était un projet de copains de s'installer ensemble et de travailler ensemble. Enfin, ce qui est agréable là-dessus, c'est qu'on sait qu'on s'apprécie déjà. Enfin, nous, certains, on avait fait nos études ensemble, on avait déjà habité ensemble, donc on se connaissait sur quand même pas mal d'aspects. Mais je pense que c'est aussi très bien faisable sans être amis. Et ça a aussi d'autres avantages de... Parce que là, ça mêle aussi plein de couches relationnelles, on va dire, et ça fait peur aussi de s'engueuler dans le travail et du coup de perdre une amitié, tout ça. Et je pense qu'on peut être très très bons collègues avec des gens qui sont pas forcément des amis à l'extérieur ou qui vont devenir des copains. Mais moi, je pense que tout se fait. Le principal, c'est de pouvoir bien travailler ensemble, quoi. On a eu la chance de pouvoir visiter le collectif des Arbolets dans le Gers. Et ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux, ils avaient fabriqué, en tout cas leur collectif, en se disant qu'il fallait que ça soit résilient au départ et à l'arrivée de nouvelles personnes à chaque fois. Donc eux, ils ont séparé, en fait, finalement, tous les ateliers dans des entreprises différentes, sous le même nom d'un collectif. Et justement... Est-ce que vous avez pensé à des sortes de barrières ou des leviers de résilience, finalement, si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous partent? Est-ce que vous pensez au turnover, peut-être, sur la ferme, même si c'est encore tôt, peut-être, parce que c'est un projet récent? Oui, en vrai, on y pense. Nous, on a un peu comme ligne de conduite, c'est de faciliter les départs. Enfin, pour le moment, c'est plutôt à ça qu'on pense qu'à des arrivées en plus de nous six. Donc, pour le moment, on pense pas accueillir de nouvelles personnes, mais plus que l'un de nous veuille un jour changer de projet et de pas se retrouver coincé dans ce projet professionnel, quoi. Après c'est des trucs un peu juridiques, mais dans les statuts, dans les délais de préavis pour partir, des systèmes de vote, tout ça. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on ne se retrouve pas coincé là-dedans, quelle que soit la situation. Nous, il y a assez peu d'ateliers où on est tout seul dessus, finalement. Donc, en fait, ça implique que si l'un de nous part, les autres peuvent... continuer cet atelier ou intégrer une nouvelle personne qui remplacerait et la transmission peut se faire, quoi. En fait, il y a sur la bière où pour le moment on n'a pas ça, il y a une seule personne qui sait la faire. Donc c'est vrai que si cette personne partait plus ou moins rapidement, ce serait un peu du boulot de tout transmettre et de retrouver quelqu'un qui puisse reprendre cet atelier, mais c'est vraiment le seul, quoi. Tous les autres, ils peuvent tourner et être remplacés plus tard, quoi. Et au niveau des pratiques agricoles, par exemple, est-ce que pour toi, le fait d'être installé à plusieurs et d'être en collectif, ça permet aussi d'avoir des pratiques plus durables ? Je ne sais pas si c'est le fait d'être à plusieurs ou pas qui permet ça. Enfin, ça permet peut-être d'avoir pas mal de productions différentes, comme vous disiez, qui peuvent un peu se compléter. Enfin, voilà, entre de l'élevage, des productions végétales. Après, ça a été fait depuis toujours sur toutes les fermes en polyculture et élevage, sans qu'ils soient forcément en collectif. Donc, je pense que c'est faisable sans. Après. Après, ça a impliqué de pas avoir beaucoup de vacances et de congés. Donc, peut-être que dans le modèle actuel ou en s'installant, on n'a pas envie de bosser 7 jours sur 7 toute l'année. Oui, ça permet ça d'avoir de l'élevage, des productions végétales et de pouvoir faire quelque chose de plus intéressant agronomiquement, quoi. Et on se demandait aussi... Du coup, comme tu es avec des amis, comment est-ce que la vie du collectif, elle s'organise aussi en dehors des heures de travail ? Est-ce que, on a vu aussi dans les exemples, notamment les arbolets qu'on a visités, ils mangent souvent ensemble, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi ? Nous, on mange ensemble le midi de la semaine, quoi, quand on travaille. Après, au début, quand on s'est installé, on vivait tous ensemble en colocation dans la maison qui est sur la ferme. Elle était sur la ferme. Et là, c'est en train de petit à petit, chacun prend son indépendance dans d'autres lieux, d'autres colocs éventuels, des choses comme ça. Nous, c'était surtout un projet de travail qu'on avait et c'était pas forcément un projet de vie en commun. Parce que tout faire ensemble, c'est quand même c'est un peu chargé, quoi. Et donc, c'était quand même pas mal organisé autour de la semaine de travail, nos moments ensemble. Mais après, on essaye quand même de garder des petits moments, des week-ends, des soirées où on fait aussi des choses ensemble pour aussi entretenir notre amitié et pas être que collègues. Mais c'est pas la majorité du temps qu'on passe ensemble, en tout cas. Ok. Et peut-être par curiosité, est-ce que parmi vous, dans le groupe, il y en a certains qui étaient quand même issus du monde agricole ? Et est-ce que vous avez suivi des formations avant de vous installer, comme par exemple les BPREA ou autres ? Du coup, il n'y en avait aucun qui était issu du milieu agricole pour nous. Du coup, on était 5 sur 6 à avoir un diplôme d'ingénieur agronome. Et le dernier, il a fait un BPREA. Et après, pour nous qui étions ingénieurs agronomes, on a plus tôt fait du coup des expériences professionnelles dans le milieu agricole. Donc, on n'avait pas besoin d'un autre diplôme pour s'installer, mais par contre, ingénieur agronome, ça ne t'apprend pas du tout à être agriculteur. Donc c'est plutôt techniquement et professionnellement qu'on s'est formé à ça, ouais. Et pour finir, peut-être, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner si on se lançait dans une installation en collectif ? Bien communiquer, s'entourer pour ça. Notamment avec la médiation, ce que tu disais tout à l'heure, ça serait quelque chose que tu conseillerais ? Oui, par exemple, ouais. Ouais. Je ne sais pas si en amont du projet, ça aurait été utile, peut-être, à des moments. Parce que nous, on s'est beaucoup retrouvés pour en parler avant aussi, s'installer. Mais en tout cas, une fois que c'est lancé, ouais, je pense que c'est utile. Et puis après, s'entourer aussi de ressources, quoi, via la tag... Nous, on fait des rencontres là une fois par an, c'était le week-end dernier là d'ailleurs, des fermes collectives d'Occitanie. On se retrouve une fois par an tous ensemble pour discuter. On amène différents sujets problématiques qu'on rencontre sur une ferme et on discute tous ensemble. Et c'est hyper riche quoi, de voir comment les autres gèrent tous ces aspects-là. Et puis du coup, ça fait rencontrer plein de gens. On peut aussi se solliciter en cours d'année. Et avoir d'autres exemples, quoi. Pas être tout seul. On arrive déjà à la fin du podcast. Pour ma part, j'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. J'avais encore plein de questions. Avec tous ces éléments, ça donne vraiment envie de réfléchir à s'installer, en tout cas pour moi. On voulait remercier tout d'abord l'équipe de la radio Campus FM pour leur aide pour avoir réalisé ce podcast. On voulait remercier également l'École d'ingénieurs du Purpan, la communauté d'universités et établissements de Toulouse, la région Occitanie, et merci surtout à toi, Fanny, pour ton intervention, pour cet échange. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine ou sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.